إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre qui est en fait le dernier du chapitre de la purification, le chapitre des menstrues. Donc il dit chapitre des menstrues, la base de tout sang qui sort de la femme, de ses parties génitales, est considéré comme du sang des menstrues, sans pour cela délimiter un âge précis, ni une quantité précise, ni une récurrence précise. Je vais expliquer tout ceci, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Il dit juste ensuite, sauf s'il y a un écoulement continuel de sang, ou alors que ces menstrues ne cessent, ou plutôt que ce sang ne cesse de s'écouler, ne serait-ce qu'un petit peu, à ce moment-là, la femme sera considérée en état de métroragie, istihada. Tout ceci, je vais le définir, inshallah. Avant d'aller plus loin dans le livre, il faut s'arrêter et expliquer plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce que sont les menstrues? Qu'est-ce qu'on appelle les menstrues? Al-Hayd. C'est un sang qui est naturel et qui sort du fond de l'utérus de la femme, à des moments précis. Donc, on appelle ça un cycle, car, justement, ceci vient à des moments précis. Là. C'est un sang naturel qui a été prescrit aux filles d'Adam, alayhi salam, aux filles d'Adam, de Adam. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit Aïcha, en train de pleurer dans la mosquée sacrée. Il lui a dit, pourquoi pleures-tu? Es-tu en état de menstrue? Et elle a dit oui. Non, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas accomplir certains rites du pèlerinage. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme pour la rassurer, lui a dit, c'est quelque chose qu'Allah a prescrit aux filles de Adam. Banati Adam. Non. Sur la base de ceci, nous disons que le sang des menstrues est un sang naturel et il est signe de bonne santé chez la femme. Non, ce n'est pas une maladie comme on pourrait le croire. Une femme qui a ses menstrues et d'autant plus régulièrement, à des périodes régulières, on dira que cette femme-là est en bonne santé. Non. D'où vient ce sang? C'est un sang en fait qui était destiné à la base à servir de nourriture à un éventuel enfant. Mais comme il n'y a pas eu d'ovulation, donc ce sang-là, en fait, doit s'évacuer. Non. Et il s'évacue par les voies génitales. Non. La chose à comprendre ici, barakallahu fikoum, après toutes ces considérations d'ordre médical, il faut savoir que dans la législation de l'islam, la base du sang qui sort de chez la femme, de ses parties génitales, est considérée jusqu'à preuve du contraire comme du sang des menstrues. C'est très important de comprendre ça, barakallahu fikoum. Car en cas de doute, il se peut qu'une femme ait des doutes à savoir est-ce que ce qui sort, c'est des menstrues ou alors un sang qui coulerait, un sang normal comme celui qui coule dans les veines. Il y a des règles religieuses qui sont liées à tel sang ou à tel sang. Donc, elle se doit de statuer. Donc, en appliquant cette règle, ceci viendra évacuer tous les doutes, alhamdoulilah. Donc, tout sang à la base qui sort des parties génitales de la femme est considéré comme du sang des menstrues jusqu'à preuve du contraire. Non, mais quoi? Cheikh Saadi ici, Cheikh Abdul Rahman ibn Saadi nous dit quelque chose de très important. Et c'est ce qui fait aussi, justement, La valeur de ce livre, c'est qu'il a simplifié ce chapitre qui constitue quand même chez les savants de tout temps un chapitre ou des problématiques sujettes à divergence. Beaucoup de divergences même. Mais il l'a simplifié. Et comme vous allez le voir, Inch'Allah, ça, au final, c'est relativement simple à comprendre. Il dit, concernant la femme qui a ses menstrues, on ne peut pas définir un âge précis, un âge minimum à partir duquel la femme peut être menstruée et un âge maximum. Ceci dépend d'une femme à une autre. Non, on ne pourra dire par exemple, à partir de 9 ans, on considère que la femme a ses menstrues. Jusqu'à 45 ans, 50 ans par exemple. Non, il n'y a aucune preuve tirée du Coran et de la Sunna qui viendrait nous permettre de statuer et de définir un âge minimum et un âge maximum. Alors, comment on va considérer qu'une femme est menstruée ou non? Tout simplement lorsqu'elle verra, elle, le sang des menstrues. Et à partir de quand la femme sera ménopausée, c'est-à-dire que le cycle menstruel va s'arrêter, à partir du moment où elle n'aura plus ses menstrues. Non. Donc, cher Sardi, attire notre attention ici en disant, il n'y a pas un âge précis pour les menstrues. Ni minimum, ni maximum. De même, il n'y a pas une quantité précise de sang. Ça peut être des menstrues qui sont abondantes, comme minime. Hein? De même, il n'y a pas aussi de limite concernant la récurrence. C'est-à-dire qu'une femme, en général, elle a un cycle, elle a ses menstrues une fois par mois. Ça, c'est la norme, la généralité. Il se peut qu'elle ait deux cycles dans le mois. On a même vu à l'époque de Ali ibn Abi Talib, une femme qui a eu trois périodes de menstrues dans le même mois. Trois périodes. Jusqu'à ce que Ali a ramené cette femme au Qadi Shureyh, qui lui a demandé des explications, à savoir pourquoi elle ne jeûnait pas, pourquoi elle ne priait pas. Et elle a dit, j'ai eu trois périodes de menstrues dans le même mois. Imaginez-vous. Mais c'est des cas très rares. C'est pour ça que le Qadi Shureyh a demandé des explications. Sinon, on ne demande pas d'explications. Dès que la femme voit le sang, elle s'arrête de prier et de jeûner. Dès qu'elle est pure, elle reprend la prière et le jeûne. Donc, pas de limite d'âge. Aucune limite dans les quantités. On ne statue pas sur une quantité précise, quantité de sang précise. Et enfin, aussi la répétition du cycle. Quatrièmement, il n'y a pas aussi un nombre de jours précis. La norme chez les femmes, c'est 6-7 jours. Ensuite, elles deviennent pures. On peut trouver certaines femmes qui ont leur menstrues pendant 2 jours seulement. Voire un jour. C'est des choses qui existent. Voire 13 jours, voire 15 jours. Ah. Donc, on ne peut pas statuer pour l'ensemble des femmes sur Terre 6 et 7 jours. Tout dépendra d'une chose qu'on a déjà vue, mais que je vais réitérer ici, Inch'Allah, une règle importante. Alors, après avoir dit ceci, Abdurrahman bin Saadi, l'auteur du livre, dit, par contre, si après le cycle menstruel connu chez la femme, il y a une continuité de sang qui coule, alors, après que ce cycle soit fini, le sang qui continue à couler après le cycle menstruel régulier est considéré comme du sang des métrorragies. Là, qu'est-ce que le sang des métrorragies? Ce n'est pas un sang qui sort de l'utérus, là, et qui est impur en lui-même comme le sang des menstrues, mais c'est un sang qui sort de la base de l'utérus et qui a été occasionné par la rupture d'une veine. Autrement dit, le sang des métrorragies, c'est le même sang qui coule dans les veines de chacun d'entre nous. Donc, les savants divergent concernant ce sang-là, à savoir, est-ce que ce sang est pur ou impur? En fait, tous ceux qui disent que le sang est pur, comme nous avons déjà étudié ceci dans les premiers cours, tous ceux qui disent que le sang est pur, ils voient le sang des métrorragies pur, puisque c'est exactement le même. Et ceux qui voient le sang impur considèrent que le sang des métrorragies impur. Cela va de soi. Donc, elle se considérera, cette femme, en période de métrorragie, et on verra qu'il y a toute une sorte, toute une série de choses qui en découlent. Voilà, en gros, ce que dit l'auteur du livre. Quelles sont les différences entre ces deux types de sang? Le sang des menstrues d'un côté et le sang des métrorragies de l'autre. Ça, c'est quelque chose de primordial. Pourquoi? Car par ces critères de jugement, ces caractéristiques de chaque sang, la femme va pouvoir statuer sur son état. À savoir, est-ce que c'est du sang des menstrues ou non? Et il en découlera, bien sûr, toute une série de choses, comme l'abstinence des adorations religieuses, ou plutôt, au contraire, revenir aux adorations religieuses comme la prière et le jeûne, etc. Alors, premièrement, le sang des menstrues, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est d'une manière générale beaucoup plus foncé que le sang des métrorragies. Quand je parle du sang des métrorragies, ayez en tête le sang qui coule dans les veines, ce sang rouge vif. Le sang des menstrues est beaucoup plus foncé. D'ailleurs, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Damul haid, damul aswadun yu'araf ». C'est un sang qui est noirâtre, qui vire vers le noir et qui est reconnu comme tel. Non? D'ailleurs, d'une manière générale, les femmes savent faire la différence entre les deux sangs. Donc, le sang des menstrues est plus foncé que le sang des métrorragies. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, le sang des menstrues est beaucoup plus épais, moins fluide que le sang des métrorragies. Ça, c'est la deuxième différence. La troisième différence se retrouve dans l'odeur de ce sang. Le sang des menstrues a une odeur désagréable, contrairement au sang des métrorragies. Et enfin, la quatrième caractéristique qui caractérise le sang des menstrues, c'est que il sèche difficilement. Non? Alors que le sang des métrorragies, c'est un sang qui sèche vite, non? Qui devient très vite sec. Voilà quatre critères de jugement qui permettent à la femme de savoir si sort d'elle du sang des menstrues ou du sang des métrorragies. Non. Vous avez noté les quatre? Donc on a la couleur qui est beaucoup plus foncée dans le sang des menstrues que dans le sang des métrorragies. On a la texture beaucoup plus épaisse dans le sang des menstrues que dans celui des métrorragies. L'odeur qui est très prononcée dans le sang des menstrues par rapport au sang des métrorragies. Et enfin, le sang des menstrues sèche difficilement, contrairement à l'autre. La femme maintenant, on va s'occuper de la femme qui est touchée par ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, il lui est interdit de prier, de jeûner, de toucher le mashaf, de toucher le Coran, de faire le tawaf autour de la Kaaba. Là, nous avions déjà étudié ceci, n'est-ce pas? Je vous rappelle ce qu'avait dit Cheikh Saadi dans le chapitre précédent. Il avait dit, celui qui est touché par une impureté rituelle mineure, il ne lui est pas permis de tourner autour de la Kaaba. Là, ça c'était son avis, et de toucher le mashaf. Celui qui est touché par une impureté rituelle majeure, en plus de ce qui a été cité, il lui est interdit de lire quoi que ce soit du Coran et de rester dans la mosquée sans ablution. Et il a rajouté, on rajoute en plus de ce qui a été cité pour la femme qui a ses menstrues et celle qui a les lochis, je vais y venir, lochis c'est celle qui a des saignements après accouchement. Il lui est interdit de jeûner, il lui est interdit d'avoir des rapports sexuels avec son mari, il lui est interdit d'être divorcé. Non, à ce moment-là, pendant cette période. De même, à plus forte raison, il lui est interdit de prier. Elle est impure. Donc pendant sa période de menstrues, elle s'abstiendra de prier et de jeûner. Quant à la prière, elle n'aura pas à la rattraper. Non, elle ne rattrape pas les prières pendant lesquelles elle s'est abstenue de prier à cause des menstrues. Par contre, pour le jeûne, alors dans ce cas-là, elle aura le nombre de jours à rattraper. Le nombre de jours conséquents à rattraper. Non, mais quoi? Par exemple, si elle a été en période de menstrues pendant 6 jours, elle aura 6 jours de jeûne à rattraper si c'était pendant un jeûne de mois, un jeûne pendant le mois de Ramadan. Hein, le roi. Il lui est interdit d'avoir des rapports, ceci est corroboré par la parole d'Allah tabarak wa ta'ala. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. C'est-à-dire, il t'interroge au sujet des menstrues. Ici, lorsqu'on parle de mahid, on ne parle pas de haid, des menstrues en elles-mêmes. Lorsqu'on dit mahid, c'est le terme coranique, on parle de l'endroit où les menstrues sortent et du temps des menstrues. Non? Du temps des menstrues et de l'endroit où elles sortent. C'est ce qu'on appelle ismu zaman ou ismu makan, mahid. Alors Allah dit, il t'interroge au sujet du temps des menstrues et de l'endroit où elles sortent. Et Allah dit, qul huwa adhan, ceci est une impureté, une souillure. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Écartez-vous des femmes pendant la période de menstrues et à l'endroit des menstrues. Vous avez compris? C'est-à-dire pendant qu'elles ont leur menstrues, pendant 6-7 jours, on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elles. De même, écartez-vous de l'endroit où sortent les menstrues, car le sang des menstrues est une souillure à part entière. Non? Ça, c'est concernant les rapports. Elle n'a pas le droit d'être divorcée pendant ses menstrues, puisque Allah dit tabarak wa ta'ala, فَتَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ divorcez-les لِعِدَّتِهِنَّ, c'est-à-dire après qu'elles aient accompli ou fini leur période de viduité. Elles sont interdites de prier aussi, car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, d'après la version de Fatimata, d'après la version de Aïcha, qui a dit de Fatimata bintu Abi Hubaysh, qui était atteinte de métrorragie, c'est des écoulements de sang continuels. Elle a dit, Ya Rasulallah, inni ustahabu, je suis atteinte d'écoulement de sang continuel. Afa ada'u salat, dois-je délaisser la prière? Et le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, innama dhaliki irq. Ceci n'est qu'une veine. C'est-à-dire une veine qui a cassé, et ça cause aussi que le sang coule. Mais le prophète a dit quelque chose de très important par la suite. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fada'i salata, قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها. Délaisse la prière pendant la période où tu as tes menstrues, le nombre de jours où tu es menstrué. نعم. ثم اغتسلي وصلي. Puis, lorsque ceci est fini, procède au lavage rituel et prie. Donc ici, le prophète صلى الله عليه وسلم a différencié quoi? Les métrorragies, cette veine, et les menstrues. Il a dit pendant les menstrues, la femme ne doit pas prier, puisqu'il lui a ordonné de reprendre la prière après s'être purifiée. Barakallahu fikoum. Non, mais quoi? C'est une preuve comme quoi la femme qui a ses menstrues ne prie pas. Elle ne jeûne pas non plus, puisque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, alaysa ihdakunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli. N'est-ce pas le fait que lorsque l'une d'entre vous a ses menstrues, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? Non. Comme pour rappeler à ces femmes-là cette chose évidente. Non. Donc ici, on voit bien que elle ne jeûne pas non plus. De faire le tawaf, ceci est corroboré par un hadith authentique où le prophète a dit à Aïcha radiallahu anha, if'ali ma yaf'alul hajjou, illa an tatufi bil bayti hatta tathuri. Fais exactement ce que fait le pèlerin durant le hajj, sauf le tawaf autour de la Kaaba. Non? Abstiens-toi de faire le tawaf autour de la Kaaba jusqu'à ce que tu te purifies. À ce moment-là, tu pourras procéder au tawaf. Non. Nous avons dit aussi, il lui est interdit de toucher le mushaf. Nous avions vu ça le dernier cours. Sauf si elle le touche derrière un gant ou quelque chose qui, euh, qui est justement qui la préserverait de toucher le mashaf directement. Donc avec un gant, elle peut le toucher. Mais comme ça, directement, non. D'accord ? Ça, c'est l'avis, entre autres, de Cheikh Ounal Al-Uthaymin, rahmallahu tabarak wa ta'ala. Par contre, lire le mashaf, nous avons vu que l'avis authentique dessus, c'est qu'il lui est permis de le lire, à la condition, bien sûr, qu'elle ne le touche pas, sauf derrière des gants, et s'il y a une nécessité à le faire. Par exemple, nous avions évoqué le cas d'une enseignante, une professeure de Coran. Non. Elle a besoin d'enseigner le Coran, elle ne peut pas elle ne peut pas accepter le fait de délaisser son enseignement pendant 7 jours. Non, ou pendant la période de menstru. Donc, il lui est permis à elle de lire le Coran. Non, et de l'enseigner. De même, celle qui fait des études. Non, elle va être amenée à peut-être à lire le Coran. Dans ce cas-là, ce sont des cas de nécessité. Si elle peut se passer de ceci, alors elle le remplace par du zikr, des invocations, des doras, etc. Voilà ce qu'on pourrait dire sur la femme qui est menstruée. Ça, c'est ce qu'on veut connaître de base, le cas général. Si le sang persiste, c'est-à-dire que la femme qui a ses menstrues, puis elle constate l'arrêt de ses menstrues et la fin de ses menstrues, par des signes précis que je vais vous donner, Inch'Allah. À ce moment-là, s'il y a écoulement de sang continuel après ceci, alors ce sang-là est considéré comme du sang de métrorragie. Non ? Est considéré comme du sang de métrorragie. Quel est le facteur, quelle est la cause qui permet de statuer sur ceci ? C'est qu'elle a vu un signe de la fin de ses menstrues. Non ? Quels sont les signes de la fin des menstrues? Deux. Soit on a ce qu'on appelle Al-Qassatul Bayda. Al-Qassatul Bayda, comme l'a dit Aïcha, radiallahu anha, c'est un liquide blanc, jaunâtre, sécrété par l'utérus, qui indique l'arrêt des menstrues. À ce moment-là, la femme sait à ce moment-là qu'elle doit se purifier, procéder au lavage rituel et reprendre la prière et le jeûne si elle avait un jeûne à faire. On appelle Al-Qassatul Bayda. Or, ce Qassatul Bayda, ce liquide blanchâtre ou jaunâtre, il se peut que chez certaines femmes, il n'apparaisse pas. Donc, comment ces dernières vont savoir que leurs menstrues sont finies? Elles doivent avoir recours à ce qu'on appelle Al-Kursuf. Kursuf, c'est un genre de coton, qu'elles vont introduire dans leur partie génitale, à savoir est-ce qu'il y a un arrêt de l'écoulement du sang ou non. Si ce coton ressort sec, alors dans ce cas-là, on en prouve ou on déduit que les menstrues sont finies. Pourquoi je vous parle de ceci? Je me serais bien passé de rentrer dans les détails, mais ceci, c'est ce que faisaient les femmes du prophète et les femmes de Sahaba. Et c'était un moyen pour elles de savoir à quel moment les menstrues étaient arrêtées et finies. Non, le roi, à la Kulihal, que ce soit par ce moyen-là ou par celui-là, il faut que la femme sache de manière sûre que ses menstrues sont finies. Si elle a un doute, alors elle reste toujours dans le cycle menstruel. Vous avez compris, les frères? Non. Une femme, par exemple, qui a ses règles pendant 6 jours, chaque mois. Et puis, pendant un mois, le mois d'après, par exemple, l'écoulement de sang dure 7 jours, 8 jours, 9 jours. Et elle n'a pas vu, justement, ces signes distinctifs qui nous montrent que les menstrues sont finies. Dans ce cas-là, elle se doit encore de se considérer en état de menstrues. Jusqu'à temps qu'elle voit cette qassal bayda, ce liquide blanchâtre. Dès lors qu'elle a vu ces signes-là, et que du sang continue à couler, alors dans ce cas-là, elle passe dans un autre statut juridique, la femme qui est en état de métrorragie, al-mustahab. Celle-là, la femme qui est en état de métrorragie, elle doit reprendre la prière. Donc, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle fait un lavage rituel majeur. Et elle reprend sa prière voir son jeûne. D'accord ? Concernant la prière, puisque cette femme-là a des écoulements de sang continuels, et nous avons vu au début de nos cours que tout ce qui sort des deux voies naturelles est annulatif des ablutions, n'est-ce pas ? Donc, à chaque fois que du sang va s'écouler, elle va perdre ses petites ablutions, n'est-ce pas ? Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Hamnata binti Jahshin de recommencer les ablutions avant chaque prière, au même titre que celui qui est atteint d'incontinence urinaire. Non, celui qui a des incontinences urinaires, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se retenir et qui a des gouttes d'urine qui descendent à chaque fois. C'est une maladie, ça. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là ? Dès lors que rentre l'heure de la prière, il fait ses ablutions et il prie. Quand bien même, dans sa prière, des gouttes tombent. Là, on ne va pas lui demander de ressortir et de refaire ses ablutions et de se laver, de ressortir et de revenir. Il ne pourra jamais le faire. Pourquoi ? Parce qu'il est atteint d'incontinence. Là, ses gouttes d'urine tombent sans cesse. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala lui a simplifié la tâche et lui dit qu'il fasse ses ablutions juste avant qu'il nettoie l'urine, qu'il fasse ses ablutions et qu'il prie comme ça. Non. La femme qui a les métrorragies est dans le même cas que celui qui a les incontinences urinaires. Qu'est-ce qu'elle fait ? Avant de prier, elle nettoie le sang s'il y a du sang, nettoie l'endroit où il y a du sang, puis elle fait ses ablutions, puis elle va devoir protéger son vêtement. Non. Par du coton, par une serviette hygiénique, par quelque chose qui viendra non seulement protéger son vêtement et diminuer le flux de sang. Non, mes rois ? Cette femme-là, la femme qui est atteinte d'écoulement de sang continuel, qui n'est pas le sang des menstrues, soit, comme je vous l'ai dit, elle fait ceci à chaque prière, donc au Fajr, avant, dès que le Adhan a commencé, dès que le Adhan a retenti, on est rentré dans le temps, elle fait ses ablutions, elle lave si nécessaire, s'il y a du sang, puis elle protège ses vêtements, puis elle prie. Elle fera la même chose au Dhuhr, au Asar, au Maghrib, au Isha. Ça, c'est une manière de faire. Une deuxième manière, c'est qu'elle procède au lavage rituel, au bain rituel, avant chaque prière. Mais ceci peut être assez contraignant, n'est-ce pas ? Mais c'est ce que faisait justement Hamna bint Jahshin. Elle faisait le ghusl avant chaque prière. Ceci peut être, comme je vous l'ai dit, très contraignant. Mais c'est quelque chose de recommandé. Il y a une troisième solution qu'ont édicté les savants, c'est qu'elle va regrouper les prières qui peuvent être regroupées. Le Dhuhr avec le Asar, le Maghrib avec l'Isha. Et elle aura donc à ce moment-là trois moments de la journée pour faire le lavage. Un avant l'aube, pour la prière du Fajr, elle fait un lavage complet. Le deuxième lavage avant le Dhuhr, et elle prie juste après le Dhuhr et l'Asr ensemble. Et enfin, un troisième lavage, juste à l'heure du Maghreb, et elle priera le Maghreb et l'Isha ensemble, afin de lui faciliter. Donc, il n'y aura plus cinq lavages, mais trois. Donc, soit on fait les cinq lavages, comme le faisait cette sahabiya, radiallahu anha, la femme d'Abdurrahman ibn Auf. Soit elle fait trois lavages en regroupant les prières, soit elle garde les prières à l'heure, mais elle ne fait pas un lavage, elle refait ses ablutions seulement. Là. Et dans tous ces cas de figure, il faut qu'elle prenne le soin de nettoyer le sang s'il y a écoulement de sang, de nettoyer les vêtements et de protéger ses vêtements d'un quelconque écoulement de sang. Vous avez compris les frères ? Ça c'est pour qui ? C'est pour la femme qui est en état de métrorragie, istihada. Non. Il y a un troisième cas de figure aussi, ou un troisième aspect à étudier lorsqu'on étudie le chapitre des menstrues, c'est ce qu'on appelle al-nifas, les lochis. Qu'est-ce que les lochis? Les lochis, ce sont un écoulement de sang qui survient après l'accouchement. On dit que la femme est en couche, c'est-à-dire qu'elle a des écoulements de sang suite justement à son accouchement. En général, ces écoulements de sang sont toujours liés à des douleurs. Concernant le sang des lochis, il est identique au sang des menstrues. Donc impur, il est impur, et il t'interdit par voie de conséquence, il interdit à la femme par voie de conséquence de prier, de jeûner. Il interdit tout ce qui est interdit pour la femme qui a ses menstrues, au même titre. Non? Est-ce qu'il y a une limite minimum et une limite maximum concernant le nombre de jours des lochis? Non, comme les menstrues. C'est-à-dire que on peut trouver des femmes qui, après accouchement, au bout de 10 jours, au bout des 10 jours d'écoulement de sang, ça s'arrête et elle devient pure. À ce moment-là, elle doit reprendre, elle doit se laver, faire un lavage rituel majeur, puis reprendre la prière et le jeûne, et ce qu'elle peut faire de manière normale. Il se peut que certaines femmes voient ce sang couler que 5 jours seulement, d'autres 30 jours, d'autres 40 jours. Non. Donc, la femme devra tenir compte en fait de la présence du sang. S'il est toujours là, si cet écoulement de sang avec ses caractéristiques qui sont comme le sang des menstrues est présent, alors elle s'abstient de jeûner, de prier, etc. Elle est impure. Non, je crois. Si ce sang-là s'arrête de couler, alors elle devient pure et elle reprend ses actes d'adoration quotidiens. Après avoir dit ceci, l'auteur du livre dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonne premièrement un tajlisa adataha, c'est-à-dire de rester, littéralement de rester assise pendant sa période de menstrue. Rester assise, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas. Un, on l'a vu, on a ramené les preuves sur ceci. Deux, il dit, si elle n'a pas un cycle menstruel réglé, c'est-à-dire une femme qui est réglée, c'est une femme qui a un cycle menstruel qui a toujours le même nombre de jours au même moment dans le mois. Par exemple, ses menstrues tombent du 2 de chaque mois jusqu'au 9 par exemple. Tous les mois c'est comme ça, du 2 au 9, du 2 au 9. Donc c'est un cycle menstruel réglé. Donc celle-là, c'est ce qu'on appelle en arabe al-mu'tad. C'est le terme qu'utilisent les savants pour désigner la femme qui a un cycle menstruel réglé. On l'appelle al-mu'tad, ala 'adatiha. Donc Cheikh Saadi ici, il dit, celle qui a son cycle réglé, celle-là, pendant ce cycle-là, elle n'aura pas besoin, d'une manière générale, de regarder la texture du sang ou quoi que ce soit. Elle sait qu'au bout de 7 jours, normalement, ses règles sont finies. Si, par exemple, elle a un cycle irrégulier, des fois, elle a, par exemple, 2 jours de menstrues, l'autre mois, elle aura 3 jours, l'autre mois, elle a 10 jours. Bref, ça change tout le temps. Ce n'est pas réglé de la même façon à chaque fois. Alors, c'est là comment elle saura si le sang qui coule, c'est du sang des menstrues ou du sang des métrorragies. Il va falloir qu'elle procède à ce qu'on appelle « at-tamyiz », c'est-à-dire le discernement. Et pour procéder au discernement, je vous ai ramené les caractéristiques du sang des menstrues et les caractéristiques du sang des métrorragies. Donc, si elle connaît les critères du sang des menstrues en tant que tel, elle pourra différencier entre celui-là et celui des métrorragies. Non ? Elle procède au tamyiz. Si elle n'arrive pas à différencier entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies, ça peut arriver, les deux sont vraiment presque identiques, alors Cheikh Saadi dit, d'ailleurs il le ramène, il le rapporte ceci de savants qui l'ont précédé, il dit, dans ce cas-là, elle se calque sur la période de menstrues de la majorité des femmes, 6 jours ou 7 jours. Elle se considérera en menstruée pendant 6 jours ou 7 jours. Ensuite, le reste du sang sera considéré comme du sang des métrorragies. Il s'en suivra donc qu'elle devra, au bout de 6 ou 7 jours, faire le refoul, le lavage rituel, comme si elle était purifiée. Et ensuite, elle recommence, elle reprend la prière et le jeûne. Non, mais quoi? Donc, je répète, la première des choses à faire pour la femme qui est réglée, elle mu'tada, c'est qu'elle compte le nombre de jours qu'elle a l'habitude, dont elle a l'habitude d'être en état de menstru. Passé ce nombre de jours, elle fait son lavage rituel et elle recommence ses adorations et elle devient pure, elle se purifie. Si son cycle est irrégulier, alors dans ce cas-là, elle a recours au tamiz, au discernement. Elle regarde les deux sangs. Est-ce que c'est un sang des menstrues? Dans ce cas-là, elle continue à être en état de menstrue. Ou alors c'est un sang qui a les caractéristiques du sang des métrorragies. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle procède au lavage rituel et elle se considère pure. Là. Si elle n'arrive pas à différencier, alors dans ce cas-là, elle se base sur 6 jours ou 7 jours. Là. Qui est le cycle, le nombre de jours du cycle menstruel chez la majorité des femmes. Certains savants disent que ici il ne faut pas regarder la majorité des femmes. On regardera les femmes de sa famille, sa mère, sa sœur, sa grand-mère, non, car il y a une notion génétique dedans, dans le sens où la fille aura sûrement le même nombre de jours que sa mère et sa grand-mère. Donc si sa mère et sa grand-mère ont un nombre de jours, par exemple, régulier de 9 jours, par exemple, alors dans ce cas-là, elle se calquera, à défaut de discerner les 200, elle se calquera sur le nombre de jours de sa mère et de sa grand-mère et des femmes de sa proche famille. Non. Et elle sera en menstrue pendant 9 jours. Ensuite, à partir de ces 9 jours-là, elle fera un lavage rituel majeur et le reste du sang sera considéré comme des métros. Rachid. Naam, le roi. Je sais que ça vous parle pas trop. Naam, mais il faut que vous puissiez connaître ces choses-là afin que vous puissiez les enseigner à vos femmes, à vos filles, à vos sœurs aussi. Naam. C'est très important. Il y a certains cas de figure qui peuvent se poser. Donc, je vous en ai ramené certains. Concernant le jeûne. Vous savez que Allah Tabarak wa Ta'ala, concernant le jeûne du mois de Ramadan, nous ordonne de jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil. N'est-ce pas? Imaginons qu'une femme était impure. Quand je dis impure, c'est-à-dire qu'elle était en période de menstrue avant l'aube. Non? Avant l'entrée de l'heure du Fajr. Taïb. Puis, elle devient pure après l'entrée de l'heure du Fajr. Là, elle devient pure après l'entrée de l'heure. Par exemple, un cas concret, l'entrée de l'heure du Fajr est à 5 heures du matin. Elle, avant, jusqu'à 5 heures, elle est impure. Arrive 5h30, elle est encore impure. Arrive 6 heures, elle voit que sa perte de menstrue est finie. La question qui se pose ici, doit-elle jeûner ce jour-là ou non? Les savants divergent entre deux avis. Le premier, c'est qu'ils disent elle doit continuer de jeûner, mais ce jour-là ne sera pas compté comme un jour de jeûne. Non. Elle se doit de jeûner car elle est pure, mais comme elle a commencé, elle n'a pas fait sa niya avant le lever du soleil, ou avant le fajr plutôt, donc ceci ne lui sera pas compté comme un jour de jeûne, elle devra le rattraper. Ça c'est un avis. Le deuxième avis, c'est l'avis le plus authentique. C'est que ce jour-là, comme elle l'a débuté en étant fatira, c'est-à-dire en rompant le jeûne, elle n'avait pas l'intention de jeûner, dans ce cas-là, il ne lui est pas obligatoire de jeûner le reste de la journée. Par contre, cette journée-là, elle devra la rattraper. Maintenant, Deuxième cas de figure, une femme qui devient pure juste avant l'heure du Fajr. Le Fajr, l'heure du Fajr, elle rentre à 5 heures. Elle se rend compte qu'à 5 heures moins le quart, elle est devenue pure. Ses menstrues sont finies. Taïm. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jeûne, sans problème. Non. Car son intention a été formulée avant le lever, avant l'entrée de l'heure du Fajr. Non, je crois. Taïm. Ça, c'est concernant le jeûne du matin. Maintenant, le soir. Le jeûne se finit au coucher du soleil, n'est-ce pas, au Maghrib. Une femme qui est en état de menstrue pendant un quart d'heure avant, jusqu'à un quart d'heure avant le coucher du soleil. Et à ce moment-là, Afwan, excusez-moi, une femme est en état de pureté un quart d'heure, jusqu'à un quart d'heure avant le coucher du soleil. Si c'est un doute, le doute n'annule pas la certitude. Si, justement, je vais y venir, elle vérifie. Rappelez-vous le hadith de Umm Salama lorsqu'elle rapporta que Umm Sulaym est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit « Ya Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Ya Rasulallah, Allah n'a pas honte et n'éprouve aucune pudeur vis-à-vis de la vérité. Hal ala al-mar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat. Est-ce que la femme doit procéder à un lavage rituel majeur dès lors qu'elle a eu un rêve érotique? Et le prophète lui répond, sallallahu alayhi wa sallam, na'am idha ra'at al-ma. Oui, dès lors qu'elle a vu al-ma, c'est-à-dire le sperme, l'éjaculation. Il en est de même ici. Dès lors que la femme a vu le sang couler, réellement, alors dans ce cas-là, oui, elle est rentrée dans ses menstrues. Si elle a rien vu, que ce sang n'est pas encore sorti, bien qu'elle le ressente en elle-même, ou alors elle pressent des douleurs, ceci ne change rien. Elle reste pure. Donc, à partir de quand se considère-t-elle impure? À partir du moment où elle a vu le sang. Barakallahu fikoum. Comme on l'avait déjà étudié dans le hadith de, dans ce hadith-là, lorsqu'on a, nous avions parlé de, du fait que le sperme annule les ablutions. Non, la sortie du sperme. Dès lors qu'il reste dans le corps et qu'il ne sort pas, la personne reste pure. Non, je crois. Non. Il en est de même ici, barakallahu fikoum. Donc, elle continue son jeûne et, inshallah, son jeûne sera accepté. Non. Par contre, si au même moment, un quart d'heure, ne serait-ce que même une minute avant, l'entrée du Maghreb, le sang des menstrues a coulé. Dans ce cas-là, cette journée-là, elle est partie. Non, elle devra la rattraper. Quand elle reçoit quelque chose, elle a l'obligation de vérifier ou pas? Elle vérifie, oui. Tout de suite. Oui, elle vérifie. Si c'est des douleurs, non. Par contre, si elle sent que quelque chose a coulé, dans ce cas-là, elle vérifie. Non. On ne peut pas laisser comme ça. Non, non, il faut faire preuve de comment dire, de taharis, c'est-à-dire de, comment, c'est quoi le contraire de laxisme? De sérieux, de rigueur, c'est exactement ça, elle fait preuve de rigueur, il faut faire attention, parce que la prière est liée, le jeûne et la prière sont liés à ça. Non. Maintenant, ça c'est concernant le jeûne. Maintenant, concernant la prière, il se peut qu'une femme tombe en état de menstrue en plein milieu de la journée. Il se pose un cas de figure ici. Imaginons qu'à l'heure du dhuhr, on va dire que le dhuhr est à midi. D'accord? Pour simplifier. L'heure du dhuhr rentre. Elle est encore pure, c'est-à-dire qu'elle est dans l'obligation de prier. Mais pour X raisons, elle retarde sa prière. D'une demi-heure, trois quarts d'heure, par exemple. Avant de prier, elle a ses menstrues. La question qui se pose ici, la prière du dhuhr qu'elle devait prier, alors qu'elle est encore pure, est-ce qu'elle devra la rattraper ou non? Non? Oui, mais est-ce qu'elle la rattrape ou elle ne la rattrape pas? Non, tout de suite, elle ne peut pas, elle a eu ses menstrues. Ce sera forcément échéance. Hein? Elle est encore dans les heures de prière. elle était encore dans l'heure de prière. En fait, je vous explique. À midi, le dhuhr il rentre. À midi et demi, elle est encore pure. À midi 45, elle constate le sang des menstrues qui a coulé. Normalement, elle, elle devait prier le dhuhr alors qu'elle était pure, n'est-ce pas? Mais elle avait tout le temps pour le faire, jusqu'au hasar, certes. Mais elle devait prier. Elle est tombée en état d'impureté, donc elle ne peut plus prier. Les savants se posent la question, est-ce que cette prière de dhuhr, elle doit la rattraper ou elle ne la rattrape pas? La réponse, cette prière de dhuhr, elle devra la rattraper. Non. Quand elle a fini son truc, ça. Hein? Quand elle a fini sa période, elle rattrapera cette prière-là juste après avoir prié le dhuhr au même moment. C'est-à-dire elle priera le dhuhr, juste après elle priera cette prière-là avec cette intention de rattraper cette prière qu'elle devait prier car elle était rentrée dans l'heure. Et elle était pure. Non. Ça, elle l'a retardée parce que pour des raisons non valables. Là, elle est encore dans l'heure. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, les frères, que le temps du dhuhr, il est du dhuhr jusqu'à là. Ah, ça. Non. Donc, elle avait tout ce temps-là pour le faire. Donc, retardée pour une raison non valable, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle a retardé jusqu'à dépasser de la asar? Ou alors l'a retardée du début de l'heure? Non, il n'y a aucun mal, parce que ça c'est permis en islam à la base. Non, prier au début de l'heure, c'est recommandé. C'est pas obligatoire. Prier dans le laps de temps qui nous est imparti entre le dhuhr et l'asar, ça c'est permis. Donc elle n'a pas fait quelque chose d'interdit. D'accord? Donc lorsque tu dis sans excuse valable, non. Peu importe l'excuse. Elle était encore dans l'heure, elle. Mais seulement, cette prière-là, il va falloir qu'elle la rattrape, Inch'Allah. Non, mais quoi? Non. C'est entre autres la vie de Cheikh Al-Athaymin. Maintenant, la personne, le contraire. Une femme qui a ses menstrues, qui est impure. Et elle devient pure. Non. Par rapport à la question, quand on rattrapera, on sait faire de la prochaine fois à l'heure du dehors? Oui, au même temps. C'est-à-dire au même laps de temps. C'est-à-dire, elle fait le dhuhr qui lui est obligatoire. Et ensuite, elle fait cette prière-là qu'elle doit rattraper juste après. Hein? Dans le temps de la prière qu'elle a ratée, le temps qui correspond. Si c'était le asar, elle fait autant du asar. Si c'était au maghreb, autant du maghreb. Non. Deuxième cas de figure. Une femme qui est en état de menstrue. On va reprendre le même exemple avec le même perte de journée, Inch'Allah. À midi, l'heure du dhuhr, elle rentre, elle est encore en état de menstrue, en période de menstrue. Donc elle ne prie pas, sans problème. L'heure avance. On est proche du asar. À ce moment-là, elle devient pure. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait le dhuhr? Non. Ou alors, elle attend le asar. Elle fera le asar. Si elle a le temps de rattraper une raka'at, ne serait-ce qu'une raka'at, dans ce cas-là, elle prie le dhuhr. Qu'est-ce que ça veut dire une raka'at? Là, on prend l'extrême. C'est-à-dire que, par exemple, je suis à une minute avant l'asar. Si pendant cette minute avant l'asar, j'ai le temps de rattraper une raka'at minimum, alors dans ce cas-là, je prie le dhuhr. Si je suis à 10 secondes avant l'asar, est-ce qu'en 10 secondes, j'ai le temps de prier une raka'at du dhuhr? Non, donc dans ce cas-là, elle n'est plus tenue de faire le dhuhr, elle priera directement à l'asar. Non? Ceci c'est corroboré par un hadith du prophète qui a dit, man adraka rak'atan faqad adraka salat. Celui qui rattrape une raka'at a certes rattrapé toute la prière. Comme celui qui rentre dans la mosquée, s'il rattrape une raka'at avec l'imam, il aura la récompense de toute la prière. Non, mais quoi? Ce qu'il faut considérer ici, c'est que, au moins, il faut qu'elle ait le temps de faire une raka'at. Une raka'at, ça se fait en combien de temps, à peu près? Deux minutes, suivant comment on prie. Non, si on va un peu vite, on peut le faire en une minute, Inch'Allah. Si elle a le temps de faire une raka'at, c'est-à-dire une minute avant l'heure du asar, dans ce cas-là, elle fait le dhuhr. Quand bien même, elle empiète sur le asar. C'est-à-dire, elle commence le dhuhr, elle fait sa raka'at, ensuite, lors du asr, elle rentre, elle a encore sa prière. Elle continue, pas de problème, inshallah. Et ensuite, dans la foulée, elle fera la asr, si elle veut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre-là, inshallah, en résumé. Je vous ai épargné toutes les divergences chez les savants. On n'a pris que le qawl rajih, inshallah. De toute façon, sur ce qui a été cité dans le livre, tous les grands savants, plus ou moins, s'appuient dessus, se calquent dessus. Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, tous les savants contemporains aussi sont plus ou moins sur ces avis-là. Oui, c'est vrai. Oui, mais parce que ça dépend pas d'elle. Parce que là, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a décrété que ces monstrues finiront à ce moment-là. C'est pas entre ses mains. Non. Alors que dans le premier cas, elle avait la possibilité, elle, de pouvoir prier. T'as compris? Tu vois la différence? Dans le premier cas, la femme, l'heure du dhuhr, elle rentre, elle est pure. À ce moment-là, elle a la capacité, elle, de son propre gré, de prier. Là, elle l'a pas fait, elle l'a retardé. Donc ici, ce retard-là, elle va devoir le réparer. Pourquoi? Parce qu'il vient d'elle, ce retard. Par contre, pour la femme qui a ses menstrues, et ses menstrues arrivent peu de temps avant, la fin de ses menstrues arrive peu de temps avant la asr. Est-ce que ça dépend d'elle? Ou est-ce que c'est un ordre ontologique d'Allah, tabarak wa ta'ala, et universel d'Allah? Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Aïcha, فَإِنَّ حَيْدَتَكِ لَيْسَتْ فِيَدِكِ. Tes menstrues ne sont pas entre tes mains. Non. Ce n'est pas toi qui décides. Et de même, le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Non. Al-Nafisti lui a dit, est-ce que tu es tombé en état de menstrues? Elle a dit oui. Elle a dit, هَذَا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. C'est une chose qu'Allah a prescrite aux filles de Adam. Aux descendantes de Adam. Donc la femme, lorsqu'elle est, elle devient pure juste avant la asr, c'est pas elle qui a décidé de devenir pure à ce moment-là. Voilà pourquoi on lui demande pas de rattraper. On lui demande de rattraper si elle a la possibilité de faire une rakarat, parce qu'elle sera encore dans l'heure, c'est tout. Mais si elle n'a pas la possibilité, dans ce cas-là, ça vient d'Allah, tabarak wa ta'ala. Non, parce que c'est ce que je viens de te dire, c'est parce que lorsque le temps il est imparti, lorsque le temps il est fini, elle n'a fait qu'obéir à Allah en s'abstenant de prier. La femme qui a ses menstrues qui ne prie pas, qu'est-ce qu'elle fait au final? Elle est en train d'obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. N'est-ce pas? Donc elle n'a fait qu'obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. L'heure il est passé, elle va pas revenir en arrière. Non, c'est comme quelqu'un par exemple qui voudrait prier avec le groupe, avec la mosquée, avec la jamaa. Il arrive en retard. Est-ce qu'il peut revenir en arrière? Ah là, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on lui demande de faire? De faire sa prière tout seul. Il va pas ramener l'imam une deuxième fois, etc. Tu pries tout seul. Voilà ce qu'on fait. T'as raté. Qadallah ma shafa'al. Cette femme-là, elle n'a pas cherché à rater cette prière. C'est Allah qui lui a imposé ceci. Le temps, il est passé. On peut pas revenir en... C'est pas rétroactif les prières, comme ça. Non? Quand ce n'est pas de ton ressort. Par contre, si c'est toi qui l'as délaissé volontairement, comme par exemple quelqu'un, le cas d'un homme par exemple, volontairement il a pris la asr après le maghrib. Volontairement, il est sorti de l'heure. Certains savants, ils disent, la prière, elle reste sur son coin. Alors, raqabati, il doit la faire. Il a fait un énorme péché. D'autres savants, ils disent, non, il est sorti de l'islam. Comme Cheikh Ibn Baz. Il dit, celui qui délaisse une prière, il l'a fait sortir de son leur volontairement, alors qu'il avait la capacité de le faire, yakfur. C'est un avis chez certains savants. Et Cheikh Najmi aussi, il voit cet avis-là. Cheikh Al-Thaymin, il dit que il a fait un grave péché, il ne recommence pas la prière. Pourquoi? Parce que le temps, il est fini. Il ne revient pas en arrière. Un avis plus authentique, c'est difficile, parce que tous les avis se valent ici. Mais si on prend l'avis de Cheikh Ibn Baz et on dit que celui qui délaisse une seule prière volontairement, ne serait-ce qu'une seule, ou l'avis de Cheikh Najmi aussi, alors il n'y aura plus beaucoup de musulmans sur terre. C'est un avis. C'est un avis qui est assez marginal, hein, faut le savoir. La majorité des savants, parmi les classes d'école, ils ne le considèrent pas ceci. Ils considèrent qu'il reste musulman. Cheikh Al-Athaymin, il considère qu'il reste musulman tant que c'est quelqu'un qui fait la prière d'une manière générale. Même si des fois il la délaisse, tant qu'il fait la prière d'une manière générale, il est considéré comme un prieur. Il reste musulman, mais il fait quelque chose de très grave. J'ai un cas spécifique, un petit peu compliqué. Je suis dans le temps de la prière, dans le temps, et j'arrive dans la mosquée, l'heure de la salle, elle est rentrée. Mais ils n'ont pas encore prié. Ils n'ont pas encore prié. Oui. J'entre à la mosquée, ils n'ont pas encore prié, alors que le temps est rentré. Oui. Mais moi, je n'ai pas le temps de les attendre parce qu'il reste 10 minutes, 15 minutes. Et tu pries ? Je prie tout seul. Oui. Alors, tu pries tout seul, ta prière l'a acceptée, mais tu n'auras pas le ajr, c'est-à-dire la récompense du groupe. Mais il n'y a pas de. Non, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je prie tout seul, je les laisse. Oui. Ah. On revient au cours, Inch'Allah, par rapport à ce que j'ai dit. Par rapport au premier cas, c'est-à-dire qu'elle était dans l'heure du dehors, oui. Elle a attendu une demi-heure. On peut donner le même argument pour le deuxième, c'est-à-dire que elle, c'est pareil qui a voulu d'avoir ses règles. Non, c'est pas le même cas de figure. Ouais. Parce que pendant cette demi-heure-là, elle avait la possibilité de le faire. C'était dans ses cordes. Non. Alors que dans le deuxième cas de figure, non, elle était liée par son état, en état de monstrueux, elle ne pouvait rien faire. Et c'est venu à un moment où elle ne s'y attendait pas, où elle n'a pas choisi. T'as compris? Ce temps, c'est une demi-heure dans le premier cas de figure, c'est 30 minutes là où elle avait la possibilité de faire la prière, elle ne l'a pas faite. Non. Quand bien même ces monstrueux sont arrivés juste après, mais normalement elle devait faire sa prière. Non. Donc, sur la base de ceci, elle la recommence. Elle la refait, elle la rattrape. C'est pas la même chose. Non. Il y a une petite nuance entre les deux. Non, mes frères, c'est bon, inshallah, naqtafi bihad al-qadr. ونصلي ونسلم على نبينا محمد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع وحسرة لا تنقضي وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم